Oui, Jésus Père nous lave de toute iniquité. Pour qu'il a l'esclave de la salité. Rempli de confiance en toi, divin sauveur. Jésus, dans l'espérance, que je marche sans force. Rempli de confiance en toi, divin sauveur. Jésus, dans l'espérance, que je marche sans force. Un sauveur merveilleux. Toute la terre apporte à ce sauveur ses péchés et sa misère. Et c'est pour ça que la prière a un sens. Pour nous décharger de tous nos soucis, des fardeaux pesants, des problèmes difficiles, nous déverser au pied de Jésus. Et que lui s'accharge. Il avait porté nos douleurs. Il a porté nos iniquités. Il a porté nos péchés dans son corps. Pour que nous soyons soulagés. Et que nous soyons allégés. Que nous soyons délivrés. Que nous soyons pardonnés. Que nous soyons secourus et pacifiés. Père Céleste, Dieu de sainteté, merci pour l'œuvre de Golgotha, merci pour le service divin, le ministère de la parole et de la prière. Merci pour ce privilège que tu nous accordes de traiter avec toi, de venir demeurer dans ta présence, t'appeler au secours jusqu'à voir le changement, jusqu'à palper les résultats. Ô Seigneur, laisse-nous persévérer. Et chacun abandonne les découragements. Et chacun abandonne les troubles de son esprit. Et chacun abandonne les pensées errantes. Et chacun répète le courage pour rester devant Dieu. Jusqu'à palper les résultats, jusqu'à toucher les œuvres de Dieu, jusqu'à voir les grâces et les gloires que tu as promis. Que la foi de chacun soit démontrée. Seigneur, tu es vivant et réel. Tu connais les vraies personnes de ton cœur. Tu connais tout ce qui nous manque en réalité. Et tu ne manques pas de quoi nous répondre, ni de quoi nous secourir. Toi qui seul peux aider, parce que lui-même n'est pas le mal. Dans le devant de la scène, prendre nos âmes en ta présence et les remplir de la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit de la Pentecôte, l'onction de vérité, l'onction de puissance, l'onction de victoire, l'onction de succès de réussite. Équipe-nous, Seigneur, que nos âmes ont soif de toi, vivant du pardon de Dieu et du relèvement spirituel, pour renverser les tendances et témoigner les merveilles, car nul n'est semblable à toi. C'est toi l'agent de victoire, la source de notre joie, la joie du salut vient de toi, Seigneur. Donne gloire à ton nom, Seigneur. Donne pour nos ennemis. Que les démons et tous les péchés, Seigneur, qu'ils soient terrassés par lui, que l'amour du Calvaire nous rende plus que vainqueurs. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions ainsi. Amen. Nous allons lire une portion de la parole de Dieu dans sa sainte Bible ici. Romains chapitre 15. Nous prenons le verset 17 à 19. J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ pour ce qui regarde les choses de Dieu, car je n'oserais pas mentionner une chose si Christ ne l'avait pas faite par moi ou amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, ainsi depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'à Nulleri, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Na komeka koloba bobele mpona makambo masili Kristo na nzela na ngai eti azwa botosi epaina bapagano na liloba mpe na musala na nguya na bilembo mpe na bikamosili na nguya na molimo mosantu longwa na Yerusalemu te kino liliko na sili kosakola nsango malamu na Kristo. Actes des Apôtres, chapitre 13, versets 23 à 25. Actes 13, versets 23 à 25. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Et lorsque Jean achevait sa course, il disait, « Je ne suis pas celui que vous pensez, mais voici, après moi vient celui dont je ne suis pas digne de délier les souliers. » Actes 13, versets 23 à 25. Lokola na elaka na ye Yesu. Liboso na koya na ye, Yohane asakoli bato na Yisalele sango libatisa na kubongwa na motema. Ezalaki Yohane kosilisa nzela na ye alobi ete. Bobandi ete ngai nani, ngai na jali ye te, kasi ye akoya nsima na ngai. Pe ngai na bongi kokangola singana mapapa na mukolo na yete. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nzambe apambola kokovanda par le puissant nom de Jésus-Christ. Nous souhaitons à tous et chacun de nous bienvenue à cette table du Seigneur. Et que nos cœurs soient consolés par sa présence. Une soirée d'adoration et prière où nous venons essentiellement pour parler à Dieu. Là, nous pouvons lire sa parole et dire quelques paroles d'exhortation. Que Dieu soit loué. S'il faut donner vraiment un bon commentaire ça nous prendra beaucoup trop de temps. Alors que s'il serait adoration et prière. Vous avez vu ce qui est dit. On peut juste effleurer un peu ça et dire quelque chose pour montrer que Jésus-Christ est le même et qu'il agit encore de nos jours comme il avait fait autrefois. Que son nom soit béni. Alors, vous savez que Frère Branham, il avait eu les commissions ministérielles, mais il remarquait qu'il attendait le changement de son ministère. Dans la prédication, nourriture spirituelle est en convenant. Il a dit, vous savez que mon ministère est en train de changer. Et il a dit, il a déjà changé. Et il rappelle la commission qu'il avait entendue le jour de la pause de la pyramide. Où il était dit, fais l'œuvre dès l'évangile. Et il a commenté en disant, cela devait se faire en attendant que cela change. Alors, nous avions lu et même relu cela dans notre spirituel au temps convenant. Et c'est quelque chose de merveilleux que nous avons là. au paragraphe 141, on revient pour ceux qui n'ont pas encore bien retenu cette pensée, le changement de ministère. Alors il dit, combien se souviennent de ma commission au moment où nous avons construit le tabernacle? Il a dit, c'est l'œuvre d'un évangéliste. Comme nous l'avons dit et répété, notre ordre de mission est venu après l'expérience du 18 juin 1930. Alors, le bonhomme commente pour dire ici, il n'a pas dit que j'étais un évangéliste. Non, c'est pas ce que le Seigneur lui a dit. C'est pas ce qu'il lui a donné comme identité. Mais il a dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Vous voyez, et car l'heure viendra où il y aura un changement. L'heure viendra où il y aura un changement. Et ici, en toute humilité, il dit, cette heure arrive. Mais il dit ça à 5 mois de son départ. En fait, cette heure-là était déjà arrivée. Mais comme pendant des années, c'était le langage, cette heure-là arrivait. Oh, mes chers amis. Baninga. Mais pourtant, le ministère avait déjà changé. Dieu est le propriétaire de l'œuvre. Il fait de son serviteur ce qu'il veut. Il fait chacun comme il veut. Alors, ici, dans le nouveau ministère de William Branham, il était prêché des années avant 1965. Il était prêché le 6 avril 1959. Le 6 avril, Motoba, date qui correspondait avec son jour de naissance sur terre. Alors, lui, il avait prêché le nouveau ministère de William Branham en 1959. Donc, au lieu d'organiser une fête d'anniversaire, lui, il a prêché le nouveau ministère de William Branham. Nous ne sommes pas des fanatiques ou des pratiquants de cette fête. Nous sommes des croyants de la parole de vérité. Nous avons beaucoup plus d'importance aux affaires du royaume de Dieu, à des banalités terrestres. Vous voyez, aller acheter des gâteaux et des galettes, ce sont des choses de la mort. Nous voulons les choses de la vie. C'est dans la parole qu'il y a la vie. Dans le nouveau ministère de William Branham, paragraphe électronique 7e ou le paragraphe consolidé 7, sur le plan électronique, c'est le paragraphe 7 à 10. On prend les muscles 13, mais les paragraphes codifiés c'est 28, donc c'est juste le paragraphe 12, 16 à 18, à 28. Les alliés, écoutez, eh bien, on a pris, on a enseigné aux Américains la coutume juive de l'imposition de mains. Et pourtant, les Américains ne sont pas des Juifs. Mais on a enseigné aux Américains la coutume juive de l'imposition de mains. Bon, ce qui est dit pour les Américains, c'est aussi valable pour les Africains. Et on les renseigné aussi la coutume juive de l'imposition de mains. Cela n'est pas une coutume de gentils. Cette coutume-là de l'imposition de mains n'est pas une coutume de gentils. Donc, les Juifs, vous savez, souvenez-vous, Jairus, qui était un Juif dans la Bible, il a dit, viens imposer tes mains à ma fille et elle vivra. Mais le gentil, centenier romain dont nous avons parlé, le gentil, lui, Il a dit, je ne suis pas digne que tu viennes sous mon toit. Prononce seulement la parole. Et mon serviteur vivra. L'un a demandé l'imposition de main. L'autre a refusé la visite même de Jésus. Il a même refusé d'aller physiquement vers lui. Parce qu'il ne se jugeait pas digne de rencontrer physiquement Jésus-Christ. Parenthèse ici dans Luc chapitre 7. Le verset 6 et 7. Ce qui a été dit là-bas. Luc 7. Verset 6 et 7. Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison. Quand le centenier envoya des amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Yesu akendaki na nzela moko na bango mpe wana ezalaki ye mosika na ndako lisusu te. Kapitene atindaki baninga koloba na ye ete, mitungisa te, kolo, po ete, nabongi ete, okota na ndako na ngai te. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Yango wana mpe nakanisaki ete nabongi kokomela yo te. Mais dis-moi, et mon serviteur sera guéri. Parce qu'il va me voler, qu'on le vampé, mon sali n'angaï, à Kobika. Même vouloir se déplacer jusque là où était Jésus. Il a refusé d'aller. S'estimant indigne. Maintenant quand il apprend que Jésus est en train de venir vers chez lui. Il envoie délègue les amis. Pas lui non. Qui se donne pas beaucoup de peine comme ça. Venez jusqu'à moi, pécheur, ennemi. Lui, je suis près de moi. Non. Ne vous donnez pas trop de peine. Alors, vous pas d'ailleurs, moi-même, je ne suis pas crédible. Même là où tu es là. Même à distance comme ça. Même sans qu'on ne se voie. Sans que je ne te touche. Sans que tu ne me touches. Sans que mes yeux te voient. Mais dis seulement un mot. Et mon serviteur qui est moribond, qui est mourant, vivra. Et Jésus a été très marqué par ce degré. Il a pu dire, même à Israël, il n'a pas vu pareil. Que Dieu soit béni. Parmi nous les gentils, nous pouvons développer la foi. Dans les pages de ce que nous voyons, de ce que nous touchons, la foi, rien que la foi, quand elle prend place, elle fera des choses innombrables. Des grands progrès, des grandes réalisations, des signes, miracles, prodiges, quand la foi est à sa place. Avons-nous la foi? Alors, je reprends avec Frère Brennan. Mais le gentil lui a dit, je ne suis pas digne que tu viennes sous mon toit. Prononce seulement la parole. Et mon serviteur vivra. Voilà la différence. Le ministère ne consiste pas, mon ministère, ne consiste pas à imposer les mains aux malades. Non. C'est pas ça le ministère que Dieu lui a donné. Il consiste à faire par un don divin, à amener la présence du Seigneur Jésus-Christ. Par un don divin, orienter et amener la présence du Seigneur Jésus-Christ. Par un discernement de l'esprit. Ce que la Bible appelle le don de connaissance. Et en faisant cela, cela fait qu'il soit manifesté devant les gens. Et alors ceux-ci le reçoivent comme leur guérisseur. Et cela règle la question. Voyez-vous l'aspect surnaturel du ministère. Ce que tout le monde fait, c'est l'état imposé les mains. Faire des réunions de 6 heures du temps, pour que la main du pasteur touche la tête du croyant, on est là, on peut lui toucher. Ça, c'est pas le ministère que Dieu a donné à faire Abraham. Son ministère à lui consistait à amener par un divin la présence du Seigneur Jésus-Christ en salle. Faisant en sorte que lui, le Seigneur Jésus, soit manifesté devant les gens. Et quand il voit la manifestation, et aussi, le reçoivent lui comme leur guérisseur. Et cela règle la question. Yango esili kambo. Si tu connais le même secret, quand tu écoutes les bandes du prophète, et que tu sois dans un besoin particulier, le domaine de la santé, quelle que soit la maladie que tu as, sache que ce don-là, sa manière d'opérer, c'est Et tu appliques la même foi. En écoutant Branham, amen. Même si l'homme n'est plus sur la terre, quand il s'agit du don, l'homme n'y est pour rien. Qu'il soit mort ou vivant, les dons, c'est les dons de Dieu. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Pouvez-vous vous élever? Vous verrez qu'il va aussi dire clairement qu'il n'y est pour rien. Il n'y était pour rien. Quand ce n'était pas lui l'homme qui faisait ça. Mais c'est le don qui opérait. Et cela est maintenant enregistré. Pour que quiconque croit en entrant en contact avec le don, pour dire de là tous ces dons il a fait. Et Jésus-Christ demeure le même. Jésus-Christ est allé pour la présent. Et pour l'éternité. Il peut faire et faire encore des choses. Comprends ça. Je n'ai pas de magazine. Suivez, pour encourager votre foi. Je n'ai pas de magazine pour attirer l'attention et publier de grands témoignages. Mais vous seriez surpris par ce qui se produit après une réunion. Des milliers, nous aurions pu apporter assez de témoignages de la Jamaïque. Il y a quelques semaines, leur organe Bright, et il est peut-être ici. Je pense qu'il vient ici régulièrement. Et la sœur Argon Bright. Et les hommes d'affaires chrétiens. Si nous prenions les photographies de ces aveugles. Et les aveugles. Et ces sourds. Et ces muets. Et de ces fauteuils roulants. Et ces infirmes. Et de ces estropiés. Et nous prenions les photographies de ces nous pourrions remplir les magazines pendant des semaines et des semaines à venir. Mais je dis toujours aux gens, ne dites rien à ce sujet. N'est-ce pas l'Esprit de Jésus-Christ? Des cas abondant et multiple. Pendant des semaines et des semaines. Sans épuiser. Mais il dit aux gens, ne dites rien à ce sujet. Allez seulement dire à quelqu'un que le Seigneur a été bon envers vous. Mais le Seigneur a été bon envers vous. Gardez cela. Je n'aime pas que quelqu'un dise que Branham fait ceci ou cela. Je n'aime pas que quelqu'un aille dire ça. Avec mon nom. Mon nom à moi humain. Le gouvernement a dit, le fait ceci. Pour commencer, Nakobanda, je n'y étais pour rien. Makambwana et salé la kinga kutu le lokote. Est-ce que ça reste en vous? Dali ko kota fe kote ka la kati na bino. L'homme William Branham n'y était pour rien. Et moto et sala ki le lokote. Et puisque je ne touche même pas la personne. Oui, na mama kutu moto te. Vous comprenez alors certainement. Et je n'y étais pour rien. Wana ngai na sala ki kutu na kati te. Si ne touche même pas la personne. Non, ma main, c'est ma main seulement ma touche. Je ne peux pas vanter sa main. Lorsque j'ai touché sa veste. Je ne peux pas vanter sa veste. Il aurait un pouvoir mystique. Voilà, qu'on a la bokonji moko ya lolenge ni kuleke kolo. Il ne voulait pas ça. Il laisse les âmes en contact avec leur Seigneur. Et le Seigneur fait ce qu'il veut. Et qu'il le fasse pour les gens qui le veulent. Oui. Et puisque je ne touche même pas la personne. Vous comprenez alors certainement que je n'y étais pour rien. C'est le Seigneur qui fait cela. Toutefois. J'ai demandé au Seigneur, concernant mes réunions en Amérique, de me donner la capacité de prier pour plus de gens. Parce que vous êtes mes amis. Vous avez été rachetés par le sang de Christ. J'aimerais faire tout ce que je peux pour vous aider. Eh bien, vous entendez le frère Oral Robert se dire, toucher quelque chose comme un point de contact. Tu crois oui, tu crois nos prières oui, mais tu veux voir les résultats, toucher quelque chose, essayer le votre pantalon, ou toucher la tête, ou toucher l'oreille, ou toucher la chair, lui aurait Robert. Il est parmi les protestants. Il leur dit, touche quelque chose comme un point de contact. Et Branham ne pouvait pas avoir ce genre de formule. Parce que ce n'est pas le genre de ministère que le Seigneur lui a donné. Ça c'est un ministère restaurateur de la foi. L'onction de l'île sur William Branham, rétablir la foi. Et quand il s'agit de rétablir la foi ne s'appuie pas sur les sens, sur les cinq sens, les souliers, la vue, l'ouïe. La foi, c'est que vous prenez Dieu en vous. Et c'est le cœur qui doit manifester la foi. Comme a dit le Seigneur, en vérité, je vous le dis. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là. Jette-toi dans la mer. Si il ne doute pas dans son cœur. Mais crois que ce qu'il dit arrive. Il le verra s'accomplir. Marc 11, verset 23. C'est la vérité absolue. Si quelqu'un dit à cette montagne, bon, toi, ôte-toi de là. Et puis, jette-toi dans la mer. S'il ne doute pas dans son cœur, si le cœur qui est censé manifester la foi, si le cœur dit qu'elles sont censées venir les paroles que ça annonce, ça doit venir du cœur et non pas des raisonnements. Ce n'est pas un essayage intellectuel. Ça doit venir du cœur là-bas. Et le cœur doit avoir une ferme assurance. Le cœur doit avoir une pleine conviction. Avant que la bouche ne le dise. Avant que l'amour se me parle. Je sais que ça doit être l'abondance du cœur. Mais si l'homme là qui dit ça ne doute pas, mais qu'il croit dans son cœur, ce qu'il dit arrivera, il le verra. Hier, on a entendu cette bénédiction d'avoir la sainte soif de la justice de Dieu, des choses de Dieu. La profondeur qui appelle la profondeur. L'Esprit nous a conduit là jusqu'à montrer que le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Et nous avons évoqué pour vous Marc chapitre 11, verset 24. Aujourd'hui, c'est le verset 23 qui nous vient. Parce que Dieu, il a sa façon de faire. Donc hier, on a cité le verset 24. Tout ce que vous demanderez en priant, vous voyez que vous l'avez reçu. Bon, et vous le verrez s'accomplir. Ça, c'est la vérité que le Seigneur a dit. Aujourd'hui encore, et les si vous dites à quelqu'un dit à cette fois, ôte-toi de là. Jette-toi dans la main. S'il ne doute pas, ce qui a bêti, bêti. Mais s'il croit dans son cœur, que ce qu'il dit arrive, lui là, il le verra. Dieu ne ment jamais. Sa parole est infaillible. Sa promesse est notre vie réelle. Elle nous sécurise et nous rassure. Ça ne peut pas tromper. Il faut que le cœur ait la foi. Et le ministère qui nous encadre ici, et le messager de cet âge, c'est un ministère restaurateur, c'est la foi. S'il y a des gens qui doivent avoir la meilleure foi au monde, la meilleure qualité et quantité de foi, sont les croyants de son message. Mais si toi tu es dans son message, mais que les actes d'incrédulité continuent à se multiplier, c'est que tu es le plus misérable, le plus misérable, le plus malheureux des êtres humains que je connais. Amen. Tu dois tellement avoir pitié de toi-même. Les actes d'incrédulité, les actes de désobéissance, les actes de mépris et d'ignorance de la vérité, ça doit diminuer parmi nous. Même pas être mentionné. Parce qu'il y a un ministère restaurateur de la foi. Et la foi là où elle est, l'obéissance ne se recherche pas. Quand le cœur croit, le corps obéit. Amen. Alors, Congo, vous entendrez Robert se dire, c'est quelque chose comme un point de contact. Eh bien, alors, je commence à me dire, qu'est-ce qui se passerait-il si je me tenais là et que j'ai mon petit enfant et que celui-ci soit malade ou autre chose de ce genre et que je voie cet esprit agir sur une personne, peut-être que d'après ma foi, il faut que cette personne m'impose les mains et que cette personne le fasse. Eh bien, j'ai prié. Et frère Lindsay, plusieurs hommes me disaient, pourquoi n'exercez-vous pas le discernement pour deux ou trois personnes? Pour ensuite continuer et prendre toute une ligne de prière. Je ne suis jamais arrivé à le faire. Le surnaturel, c'est pas l'homme qui contrôle. Avez-vous déjà vu des gens qui se sont battus pour avoir les cartes de prière et se retrouver alignés par numéro pour passer à l'affaire? Des fois, ils sont là en train d'attendre. L'esprit commence à se manifester. Hé, l'homme là-bas au fond. Et quoi? Et les autres, parfois, ils restent seulement là. Avec la carte en main, on ne s'occupe même pas d'eux. À un moment, ils se découragent, ils rentrent même. Ils ne comprennent pas, mais c'est quoi? Ils ont donné les cartes, mais quel est le jour du ministère de Branham? Où est-ce que qui sont venus devant. Et si ça, et la les gens vont Ce n'est pas de l'intellectualisme. C'est Dieu qui fait ce qu'il veut. Mais je me suis battu. Je me suis réveillé très tôt. On va aller voir le secrétaire Bilipol. On va avoir quand même la carte de l'intellectualisme. Quelle précieuse carte pour la boîte. Mais ça se bousculer. Parfois, le jour où vous n'avez pas la carte, Dieu est très généreux de votre carte. On ne dit pas à Dieu ce qu'il doit faire. Mais nous disons que sa volonté soit faite. Ici sur terre comme là au ciel. Et vous ça sert pour dire amen. Oh là. Alors il dit, pendant que les gens lui disaient ce qu'il disait là, il dit, je ne suis jamais parvenu à le faire. Toutes les fois que j'ai commencé, aussitôt que cela m'est frappé, c'est la raison pour laquelle je devenais très faible. On devait m'aider à quitter l'esclavage. Donc quand le discernement opère, très faible. Ça veut dire que l'homme ne peut rien. C'est Dieu qui fait son œuvre. Il faut compter sur la chair là, mais la chair ne sert à rien. Et c'est on devait m'aider à quitter l'esprit. C'était parce qu'après deux ou trois de ces visions, j'étais très épuisé. Et je savais à peine où je me trouvais. Je suis sûr que vous les théologiens, de comprendre cela du point de vue des Écritures. Lorsqu'une petite femme a touché le Seigneur Jésus, il a senti la force sortir de nous. Quand Daniel a eu une vision, et qu'il a eu l'esprit troublé de semaine en semaine, nous devrions certainement savoir ce qui s'est passé. Et comme l'a dit le frère Duplessis, il y a quelque temps, l'unique raison, je pense, pour laquelle Dieu laisse ceci continuer comme cela se fait maintenant, c'est à cause de sa promesse. Les œuvres que je fais, les choses que je fais, vous les ferez aussi. Et vous en ferez davantage parce que je m'en vais au Père. C'est sa divine promesse. Une vision ne guérit jamais quelqu'un. Une vision ne fait qu'amener la réalité de la présence d'un être surnaturel. Ça vous amène seulement à réaliser que vous êtes en présence d'un être surnaturel. Pas l'homme votre frère que vous voyez. Pas la femme votre soeur que vous voyez. Mais un être surnaturel est là. Et parce qu'il est téléguider les choses. Et par une vision racontée, vous prenez conscience. Et alors, ce faisant, la vision donne la foi aux gens. Quand on dévoile quelque chose comme ça, quelqu'un se dit, je suis dans cette présence inhabituelle, je vais profiter pour croire de tout mon cœur. Aide-moi immédiatement, Seigneur. Aide-moi maintenant, même. Je veux que seul Dieu problème soit la solidarité immédiat. Tu deviens capable de dire des choses que ton corps intellectuel était incapable. À chaque fois que tu voulais dire, à quoi bon essayer? Si je l'ai dit, et qu'il n'y a plus, il y aura rien. Et que j'aurais perdu du temps pour rien. Mais quand vous êtes dans cette présence-là, Tenez votre foi. À demander avec beaucoup d'assurance. Il va écouter des témoins. Il est là, il me voit, il me connaît. Et qu'il fasse quelque chose. Ainsi à Phoenix, en Arizona, il y a quelques temps, j'étais là au désert, Frère Moore, Frère Brown, et moi, j'ai eu une vision. Et le Seigneur Jésus m'a dit dans cette vision, ou la personne qui m'a parlé, qui je crois bien était un ange. Abandi était mutuane ezala ki mwanje. Il lui a parlé comme ça. Avec la ligne quatre ni mon ange. J'étais là derrière. Madaka wana na sima. Un rocher. Entré de prier. Obondi la ka. Et il a dit. Quand tu verras ceci arriver. Tango mona wako koma ka. Alors ton ministère va changer. Wana le to mona wako bongwana. Et j'ai regardé. Natala ki. Et voici qu'une femme venait à l'estrade. Pourtant, un tout petit bébé qui s'est mouru. Et le Seigneur l'a guéri. Et la femme avait un beau teint clair. Des yeux sombres. Des cheveux courts. Mi-longs, à moitié long. Et elle portait un complet brun. Et la personne Pembe, qui m'a parlé dans la vie, qui était un ange, je crois, il m'a dit, tu reconnaîtras cela à partir d'ici. Un homme chauve, de petite taille, et un homme mince, de grande taille, se tenait à mes côtés. L'un chauve, et court, et l'autre mince, et l'enfant. Les deux hommes se tenaient là, et une femme qui avait cette description ici, un beau teint clair, des yeux sombres, des cheveux courts, mi-longs, et elle portait un complet brun, avec un tout petit bébé qui s'est mort. Alors, Chobrenam, comme il savait que le ministère allait changer, le Seigneur l'avait prévenu. Il dit, j'ai attendu cela pendant 4 ans. Il en parle en 1959. Il évoque des choses que le Seigneur lui avait données comme avertissement en 1955. J'ai attendu cela pendant 4 ans. Combien m'ont déjà entendu faire cette déclaration? C'est là que je suis arrivé. Levez la main. Eh bien, regardez ici. Des centaines de gens qui sont ici. Autant que ce soit, ont entendu cette déclaration. Le changement des ministères. Ils témoignent avoir des gens. J'ai entendu cela pendant 4 ans. Dans les états de la Nouvelle-Angleterre. Quelques, eh bien, le printemps dernier, une femme est venue à l'estrade, correspondant presque à la description. Et le frère God qui est là, un des jeunes gens qui font les bandes ici avec moi, après le service a demandé, n'était-ce pas là la femme en question? C'est le signe indicateur du changement de ministère. Le frère a posé la question. J'ai dit, non frère Jean. Ce n'était pas cette femme. La femme en question doit être plutôt de petite taille. Et cette femme-ci était de grande taille. Et elle avait des cheveux bruns. Mais l'autre femme aura des cheveux noirs. Et son bébé était assez grand. Alors que l'autre était tout petit. Il ne s'agissait pas donc de cette femme. Quand bien même elle portait un complet brun, ce n'était pas elle. Quelle précision. Quand vous êtes instruit dans les choses surnaturelles, et qu'il s'agisse d'une vision d'ainsi, vous ne confondrez pas les détails. Vous attendrez que chaque détail apparaisse comme déjà montré. Tu ne peux pas sauter sur la couleur. Voilà, c'est ça. Mais la taille. Il faut vérifier. La couleur des cheveux. Voilà, langue à souki. Tout ça c'est important. Parce que Dieu, il est le Dieu des précisions. C'est ce qui nous différencie avec les dénominations. Tu vas aller là-bas. Oh, Dieu m'avait montré quelqu'un. Il était déjà clair. Même si on avait donné les autres détails, attends, mais Dieu pour voir un type de truc. Vous voyez que Dieu ne m'a pas. Oh là là. C'est toi l'homme qui m'a. Amen. Tu embrouilles les gens. Dans les domaines surnaturels, qui a eu des prophéties, de songes, parler en langue, interpréter, qui a eu des signes annoncés, ou de messages de connaissance. Tout doit être précis. Notre Dieu ne nous amène pas de manière vague. Il est le Dieu de précision. Est-ce que vous retenez ça? Voilà pourquoi même les dons n'opèrent pas beaucoup parmi nous. Bien des fois, les demi-dons qui essaieront d'opérer seront ils ont tendance à se camoufler. Les dons parfaits et toute grâce excellente descendent d'en haut du Père de lumière. Chez lui, il n'y a ni ombre de barrière ni changement. Notre Dieu, il est le Dieu de précision. Est-ce que quand nous vous prêchons la parole, nous aimons vous donner les à peu près? Mais pourquoi dans les dons, vous voulez qu'on laisse faire ça? Vous pensez essayer de comprendre ce que l'Esprit voudrait dire par une chose. La même rigueur que nous avons dans l'Évangile, c'est la même rigueur que nous avons dans son application. L'application de l'Évangile. Et nous voulons la même rigueur dans la manifestation de l'Évangile. Quand il s'agit de manifestation du Saint-Esprit, nous ne voulons pas des choses floues. Yo, votre famille n'a rien dit à votre loca, yo. Dieu du ciel, donc il manque à faire. Aya, quand tu as mouton, vous voyez, yo, frère Jonas, yo, votre famille n'a rien dit à votre loca. Ainsi dit le Seigneur. Des bêtises comme ça. Vous avez le et vous allez dire, on a prophétisé sur moi. Tu n'es pas enseigné. Tu ne connais pas Dieu pour dire. Le Dieu de ce message est un Dieu de précision. Il donnera tous les détails qui vous permettront d'identifier que ça c'est et quand le diable viendra avec une imitation, il sera approximatif et à peu près il sera questionné par ça. Moi j'attends la véritable et c'est qu'à peu près il faut que nous puissions témoigner des choses que Dieu a réellement fait. Paul a dit, nous avons lu dans Romains au chapitre 15, nous avons lu le verset 17 à 19. J'ai donc sujet de me glorifier en Christ pour ceux qui regardent les choses de Dieu. Les choses de Dieu sont tellement précises, mes amis. Elles sont distinctes. Parlez à peu près. Lui voulait se glorifier dans le Seigneur. Pour ce qui concerne les choses de Dieu. Pas les choses des hommes. Les choses des églises. Les choses des familles. Et les choses de Dieu. Dieu aussi a ces choses. Ce sont les affaires du personnel. Les affaires du royaume de Dieu. Les choses du royaume de Dieu. Alors. Il faut que ce soit celle que Dieu lui-même fasse. Et Paul ajoute, je n'oserais pas mentionner une seule chose si Christ ne l'avait pas faite par moi. Donc ce que j'aimerais mentionner, c'est que je dois témoigner, ce que j'aimerais confirmer, doit être ce que Christ lui-même a fait par moi. Si ce n'est pas Christ, je n'en parlerai pas. Je ne mentionnerai pas. Vous voyez la question de frère Boat. Il dit, N'est-ce pas là la femme en question? Toi tu ne prends qu'un seul détail. Dans la vision, il n'y avait pas que le costume. Il y avait la couleur des cheveux. Il y avait la taille de la personne. Il faut vérifier tout ça. Donc pour le frère, en se posant la question, il pensait que Dieu était en train d'accomplir déjà par cette femme-là la vision. Oh, ce n'était pas Dieu. Ça c'était une partielle coïncidence. Rien à voir. Avec la vision promise. L'homme a veillé, il a prouvé qu'il veillait au détail. Il veillait au détail. Les hommes du monde disent que le diable est dans les détails. Mais cela n'est pas un verset biblique. Ici, quand Dieu annonce ses signes à lui, il prend soin de préciser les choses. Parce qu'il ne veut pas que son peuple soit dans la confusion. Il veut que ses enfants soient dans la lumière. Il n'aille pas appeler Dieu ce qui n'est pas Dieu. Cette femme de la vision, le temps de Dieu devait venir. Où elle devait venir elle. Avec la description précise, contenue dans la prophétie, contenue dans la vision, tout devait être exact à 100%. C'est là que nous savons que Dieu est infaillible. Tu dis amen? Alors, Paul, Paolo, de tous les signes, les miracles qui venaient, il ne pouvait rien mentionner si ce n'est pas Christ qui a fait la chose. Comprenez, nous devons suivre les mêmes traces. Soyons rigoureux dans les choses de Dieu. Pour avoir enfin sujet de nous glorifier dans le Seigneur. Sachez que quand nous allons rendre témoignage à toi, Dieu ne nous tiendra pas pour de faux témoignages. Que nous sommes des gens si superficiels, en train d'appeler n'importe quoi Dieu. Que Dieu nous aide. Que le Seigneur nous secoue. Mettez-vous à votre place béni. Branham dit qui n'y était pour rien. Voilà, le Seigneur qui faisait les choses. Donc, il n'avait pas intérêt à mentionner des choses que lui-même faisait. Donc il s'agit du service divin. Il faut que ce soit Dieu enseigne. Je n'y étais pour rien. Quand Jean aussi a achevé sa parole, on l'a mis dans Acte 13 là-bas. C'est le même esprit d'humilité. Indignité devant la grandeur de Dieu. Qu'est-ce que Jean disait? Après moi vient quelqu'un qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne moi de délier la couronne. Je ne suis pas digne de délier. Délier pour en faire quoi? C'est-à-dire prendre les souliers que lui porte, détacher ça, pour les mettre à mes pieds moi, et m'attribuer donc les chaussures du Seigneur. Ça, non. Ces chaussures ne sont que ces chaussures à lui. Moi je ne saurais pas chausser ça. Moi Jean, je ne saurais pas chausser ces chaussures. C'est pour ça que dans Matthieu 3, la même pensée revient. Il dit que moi je vous baptise d'eau. Vous demandez de croire à celui qui est là. Mais après moi vient quelqu'un de plus puissant. Et je ne suis pas digne de porter ce soulier. Là où il était dit, je ne suis pas digne de délier ce soulier. Matthieu a dit, je ne suis pas digne de porter ce soulier. Donc je ne peux pas aller les déchausser. Les chaussures que lui doit porter, par lesquelles il portera les actions. Et moi je prenne ça, je mets à mes pieds. Et que les témoignages que nous avons à part permettent que ce soit des témoignages de Dieu a fait. Ne dites pas seulement j'ai un témoignage, mais montrer ce que Dieu a fait et ce que Dieu a fait est conforme à sa parole. Voulez-vous? Soyons rigoureux. Nous ne sommes pas dits. C'est lui Jésus qui est dit. Tu n'es pas dit. C'est ton Seigneur Jésus qui est dit. C'est chaussure. Même Jean-Baptiste, plus qu'un prophète. Et tous ceux qui étaient là de part. Le Seigneur a dit qu'il n'en avait pas de Paris de plus grand que Jean. Mais Jean maintenant dit, je ne suis pour rien. Je ne suis pas dit. Maintenant toi qui es-tu? Pour te remplir de toi-même et devenir si spécial, devenir si important que tout le monde doit faire des courbettes devant toi et façon. Je ne suis pas dit. Chacun peut-il dire ça? Je ne suis pas dit. Mais mon Seigneur Jésus est dit. Dimanche, vous vous rappelez? Il est digne de prendre le livre. Et d'en briser les choses. Ni là aussi. Ni sous la terre. Ni sous la terre. Je suis trouvé digne. De prendre le livre. Et l'on a ajouté. Même pas de le regarder. Pas digne du tout. Il n'y en avait pas un. Marie existait. Quand Jean a vu ça, Marie existait, mais n'a pas été vu digne. Joseph avait existé, mais n'avait pas été trouvé digne. Aucun nom. Rien. Personne. Et la constellation est venue de Dieu. Amen. C'est lui qui est digne. Votre Dieu est digne. De mériter votre confiance. De recevoir vos prières. D'obtenir votre persévérance. Hein? Votre Dieu est digne. Offrez-lui le meilleur que vous pouvez. Donnez-lui le meilleur que vous avez. Votre Dieu en est digne. Que Dieu vous bénisse. Mettons-nous debout pour la prière. Au nom de Jésus Christ. Peninayo, numéro 14. Peninayikulusu. Go, who shows the light? Et parfait. Nos cœurs t'adorent. Te glorifie sincèrement. Car tu es digne. À tout ce grand digne. Tout le temps digne. Et pour l'éternité digne. Père. Tu nous as donné ce soir. Pour que nos requêtes parviennent à toi. Et nous les avons exprimées. Nous avons entendu une parole d'exhortation. Qui fait du bien à l'âme. Nous te remercions pour cet acte cette bienfaisance envers nos personnes intérieures. Maintenant que cette parole soit une bonne semence, semée dans la bonne terre, le cœur bon et honnête, dans lequel le résultat de la parole se manifeste avec rigueur et précision. Car chaque fois, nous récoltons ce que nous sèmons. C'est la loi de la reproduction. Et la parole semée. Il est semé dans la clarté, la précision et la rigueur. Le fruit de notre vie chrétienne sera la précision, la rigueur, la vie sainte de Dieu. Qu'il en soit ici pour tous les croyants. Restaure la foi de chacun. Donne à chacun la meilleure qualité de foi, la meilleure source de foi qui forme. Tel que le ministère promis de ce temps devait restaurer. Le ministère délit des prophètes. J'avais pour tâche de restaurer la foi. Non pas de nous laisser au bas niveau. S'amener au sommet de la foi. Pour développer la meilleure relation avec Dieu. Et les meilleurs exploits avec lui. Les grandes œuvres miraculeuses. Les prodiges. Toutes choses conformément à ta parole. Conduis cette église. À tous nos besoins. Bénis-nous demain à la chaîne de prière. Que ce soit un moment solennel encore. Comme une nouvelle réunion de prière. À distance, les uns en esprit. Au contact des mots. Oh Seigneur. Prends soin de nous au moment où nous allons sortir. Et pour voir aux besoins de chacun. Et ce sont toutes les prières faites. Et celles qui se murmurent intérieurement. Pendant ce moment, tu es Dieu de vérité. Et tu entends les cris qui sont de là, au fin fond de l'âme. Le besoin profond est ici pour voir. Gloire et louange à toi. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, notre Dieu, nous prions. Amen. Veuillez vous asseoir.